Chapitre 17e. La tentatrice. Madame de Lamothe avait repris son poste, à l'écart comme une femme modeste, debout et attentive comme une femme à qui l'on a permis de rester et d'écouter. Mais ce Bemer et Beausange, en habit de cérémonie, se présentèrent à l'audience de la souveraine. Ils multiplièrent leurs saluts jusqu'au fauteuil de Marie-Antoinette. « Les joailliers, dit-elle soudain, ne viennent ici que pour parler joyaux. Vous tombez mal, messieurs. » Monsieur Bemer prit la parole. C'était l'orateur de l'association. « Madame, nous ne venons point offrir des marchandises à votre majesté, nous craindrions d'être indiscrets. »« Oh !» fit la reine, qui se repentait déjà d'avoir témoigné trop de courage. « Boire des joyaux, ce n'est pas en acheter. »« Sans doute, madame, » continua Bemer en cherchant le fil de sa phrase, « mais nous venons pour accomplir un devoir, et cela nous a enhardis. »« Un devoir ?» fit la reine avec étonnement. « Il s'agit encore de ce beau collier de diamants que votre majesté n'a pas daigné prendre. »« Ah, bien, le collier. Nous y voilà revenus !» s'écria Marie-Antoinette en riant. Bemer demeura sérieux. « Le fait est qu'il est beau, monsieur Bemer, » poursuivit la reine. « Si beau, madame, » dit Beausange timidement, « que votre majesté seule était digne de le porter. »« Ce qui me console, » fit Marie-Antoinette avec un léger soupir, qui n'échappa point à madame de Lamothe, « ce qui me console, c'est qu'il coûtait... » « 1,5 million, n'est-ce pas, monsieur Bemer ?»« Oui, votre majesté. »« Et que, » continua la reine, « en cet aimable temps où nous vivons, quand les cœurs des peuples se sont refroidis comme le soleil de Dieu, il n'est plus de souverain qui puisse acheter un collier de diamants 1,500,000 livres. »« 1,500,000 livres, » répéta comme un écho fidèle madame de Lamothe. « En sorte que, messieurs, ce que je n'ai pu, ce que je n'ai pas dû acheter, personne ne l'aura. »« Vous me répondrez que les morceaux en sont bons, c'est vrai. » Et je n'envierai à personne deux ou trois diamants. J'en pourrais envier 60. La reine se frotta les mains avec une sorte de satisfaction dans laquelle entrait pour quelque chose le désir de narguer un peu messieurs Bemer et Beausange. « Voilà justement quoi votre majesté fait erreur, » dit Bemer. « Et voilà aussi de quelle nature est le devoir que nous venions accomplir auprès d'elle. Le collier est vendu. »« Vendu ?» s'écria la reine en se retournant. « Vendu ?» dit madame de Lamothe, à qui le mouvement de sa protectrice inspira de l'inquiétude pour sa prétendue abnégation. « À qui donc ?» reprit la reine. « Ah, madame, ceci est un secret d'État. »« Un secret d'État ? Bon, nous en pouvons rire, » s'exclama joyeusement Marie-Antoinette. « Ce qu'on ne dit pas, souvent, c'est qu'on ne pourrait le dire, n'est-ce pas, monsieur Bemer ?»« Madame ?»« Oh, les secrets d'État. Mais cela nous est familier, nous autres. Prenez garde, Bemer. Si vous ne me donnez pas le vôtre, je vous le ferai voler par un employé de monsieur de Crone. » Et elle se mit à rire de bon cœur, manifestant sans voile son opinion sur le prétendu secret qui empêchait Bemer et Beausange de révéler le nom des acquéreurs du collier. « Avec votre majesté, dit gravement Bemer, on ne se comporte pas comme avec d'autres clients. Nous sommes venus dire à votre majesté que le collier était vendu parce qu'il est vendu, et nous avons dû taire le nom de l'acquéreur parce qu'en effet, l'acquisition s'est faite secrètement, à la suite du voyage d'un ambassadeur envoyé incognito. » La reine, à ce mot ambassadeur, fut prise d'un nouvel accès d'hilarité. Elle se tourna vers madame de Lamothe en lui disant « Ce qu'il y a d'admirable dans Bemer, c'est qu'il est capable de croire ce qu'il vient de me dire. Voyons, Bemer. Seulement le pays, d'où vient cet ambassadeur ?»« Non, c'est trop, » fit-elle en riant. « La première lettre de son nom, voilà tout. » Et lancée dans le rire, elle ne s'arrêta plus. « C'est monsieur l'ambassadeur de Portugal, » dit Bemer en baissant la voix, comme pour sauver au moins son secret les oreilles de madame de Lamothe. À cette articulation si positive, si nette, la reine s'arrêta tout à coup. « Un ambassadeur de Portugal, » dit-elle. « Il n'y en a pas ici, Bemer. »« Il en est venu un exprès, madame. »« Chez vous, incognito ?»« Oui, madame. »« Qui donc ? Monsieur de Souza. » La reine ne répliqua pas, elle balança un moment sa tête, puis en femme qui a pris son parti. « Eh bien, tant mieux pour sa majesté la reine de Portugal. Les diamants sont beaux, n'en parlons plus. »« Madame, au contraire, votre majesté daignera me permettre d'en parler. »« Nous permettre, » dit Bemer en regardant son associé. Beausange salua. « Les connaissez-vous, ces diamants, comtesse ?» s'écria la reine avec un regard à l'adresse de Jeanne. « Non, madame. Deux beaux diamants. C'est dommage que ces messieurs ne les aient point apportés. »« Les voici, » fit Beausange avec empressement. Et il tira du fond de son chapeau, qu'il portait sous son bras, la petite boîte plate qui renfermait cette parure. « Voyez, voyez, comtesse, vous êtes femme, cela vous amusera, » dit la reine. Il s'écarta un peu du guéridon de sèvres sur lequel Bemer venait d'étaler avec art le collier, de façon que le jour, en frappant les pierres, en fit jaillir les feux d'un plus grand nombre de facettes. Jeanne poussa un cri d'admiration, et de fait, rien n'était plus beau. On eût dit une langue de feu, tantôt vert et rouge, tantôt blanc comme la lumière elle-même. Bemer faisait osciller l'écrin et ruisselait les merveilles de ses flammes liquides. « Admirable, admirable !» s'écria Jeanne, en proie au délire d'une admiration enthousiaste. « 1 500 000 livres qui tiendraient dans le creux de la main ?» répliqua la reine, avec l'affectation d'un flegme philosophique que M. Rousseau de Genève eût déployé en pareille circonstance. Mais Jeanne vit autre chose dans ce dédain que le dédain lui-même, car elle ne perdit pas l'espoir de convaincre la reine, et après un long examen, « Monsieur le joaillier avait raison. Il n'y a au monde qu'une reine digne de porter ce collier, c'est votre majesté. »« Cependant, ma majesté ne le portera pas, » répliqua Marie-Antoinette. « Nous n'avons pas dû le laisser sortir de France, madame, sans venir déposer aux pieds de votre majesté tous nos regrets. C'est un joyau que toute l'Europe connaît maintenant et qu'on se dispute. Que telle ou telle souveraine s'empare au refus de la reine de France, notre orgueil national le permettra, quand vous, madame, vous aurez encore une fois, définitivement, irrévocablement refusé. « Mon refus a été prononcé, » répondit la reine, « il a été public. On m'a trop loué pour que je m'en repente. « Oh, madame, » dit Bemer, « si le peuple a trouvé beau que votre majesté préféra un vaisseau à un collier, la noblesse, qui est française aussi, n'aurait pas trouvé surprenant que la reine de France achetât un collier après avoir acheté un vaisseau. « Ne parlons plus de cela, » fit Marie-Antoinette en jetant un dernier regard à l'écrin. Jeanne soupira pour aider le soupir de la reine. « Ah, vous soupirez, vous, comtesse. Si vous étiez à ma place, vous feriez comme moi. Je ne sais pas, » murmura Jeanne. « Avez-vous bien regardé ?» se hâta de dire la reine. « Je regarderai toujours, madame. Laissez cette curieuse, messieurs, elle admire. Cela n'ôte rien aux diamants. Ils valent toujours 1 500 000 livres, malheureusement. » Ce mot-là sembla une occasion favorable à la comtesse. La reine regrettait, donc elle avait eu envie. Elle avait eu envie, donc elle devait désirer encore, n'ayant pas été satisfaite. Telle était la logique de Jeanne, il faut croire, puisqu'elle ajouta. « 1 500 000 livres, madame, qui à votre col feraient mourir de jalousie toutes les femmes, fussent-elles Cléopâtre, fussent-elles Vénus. » Et saisissant dans l'écrin le royal collier, elle l'agrafa si habilement, si prestigieusement sur la peau satinée de Marie-Antoinette, que celle-ci se trouva en un clin d'œil inondé de phosphore et de chatoyantes couleurs. « Oh, votre majesté sublime ainsi !» dit Jeanne. Marie-Antoinette s'approcha vivement d'un miroir, elle éblouissait. Son col fin et souple tant que celui de Jeanne Grey, ce col mignon comme le tube d'un lys, destiné comme la fleur de Virgile à tomber sous le fer, s'élevait gracieusement avec ses boucles dorées et frisées du sein de ce fleur lumineux. Jeanne avait osé découvrir les épaules de la reine en sorte que les derniers rangs du collier tombaient sur la poitrine de nacre. La reine était radieuse, la femme était superbe. Amant au sujet, tout se fut prosterné. Marie-Antoinette s'oublia jusqu'à admirer ainsi, puis saisie de crainte, elle voulut arracher le collier de ses épaules. « Assez, » dit-elle, « assez. »« Il a touché votre majesté, » s'écria Bemer. « Il ne peut plus convenir à personne. »« Impossible, » répliqua fermement la reine. « Messieurs, j'ai un peu joué avec ces diamants, mais prolonger le jeu, ce serait une faute. »« Votre majesté a tout le temps nécessaire pour s'accoutumer à cette idée, » dit sa belle-mère à la reine. « Demain, nous reviendrons. Payez tard, c'est toujours payé. Et puis pourquoi payer tard? Vous êtes pressé, on vous paye sans doute plus avantageusement. »« Oui, votre majesté, content, » riposta le marchand redevenu marchand. « Prenez, prenez, » s'écria la reine. « Dans l'écrin, les diamants, vite, vite !» Votre majesté oublie peut-être qu'un pareil joyau, c'est de l'argent, et que dans 100 ans, le collier vaudra toujours ce qu'il vaut aujourd'hui. Donnez-moi 1 500 000 livres, comtesse, répliqua en souriant forcément la reine, et nous verrons. Si je les avais, c'est qu'à celle-ci, oh. Elle se tut. Les longues phrases ne valent pas toujours une heureuse réticence. Bemer et Beausange eurent beau mettre un quart d'heure à serrer, à cadenasser leurs diamants, la reine ne bougea plus. On voyait son air affecté à son silence, que l'impression avait été vive, la lutte pénible. Selon son habitude, dans les moments de dépit, elle allongeait les mains vers un livre dont elle feuilleta quelques pages sans lire. Les joailliers prirent congé en disant « Votre Majesté a refusé ?»« Oui, et oui !» soupira la reine, qui cette fois soupira pour tout le monde. Ils sortirent. Jeanne vit que le pied de Marie-Antoinette s'agitait au-dessus du coussin de velours dans lequel son empreinte était marquée encore. « Elle souffre !» pensa la comtesse immobile. Tout à coup la reine se leva, fit un tour dans sa chambre et s'arrêtant devant Jeanne dont le regard la fascinait. « Comtesse, » dit-elle d'une voix brève, « il paraît que le roi ne viendra pas. Notre petite supplique est remise à une prochaine audience. » Jeanne salua respectueusement et se recula jusqu'à la porte. « Mais je penserai à vous, » ajouta la reine avec bonté. Jeanne appuya ses lèvres sur sa main, comme si elle y déposait son cœur, et sortit, laissant Marie-Antoinette toute possédée de chagrin et de vertige. « Les chagrins de l'impuissance, les vertiges du désir, » se dit Jeanne, « et elle est la reine. Oh non, elle est femme. » La comtesse disparut.